J'ai de la chance en tant que défenseur des droits humains à mon échelle de ne pas rencontrer de difficultés. Je suis très privilégiée par rapport à d'autres défenseurs qui rencontrent des menaces, des défis au quotidien. Ce n'est pas mon cas. Peut-être deux choses que j'identifie comme étant difficiles. D'une part, c'est l'apathie. Des personnes qu'on essaie de convaincre de l'importance des droits humains, qu'il s'agisse des États, qu'il s'agisse du grand public, de leur montrer l'importance de défendre et de protéger les droits humains. Pourquoi est-ce que, et en ce qui concerne le grand public, d'expliquer que les droits humains, en fait, c'est pas un concept abstrait et loin des réalités quotidiennes, mais au contraire, c'est ce qui donne corps à nos droits au quotidien, l'accès à la santé, à l'éducation, le droit d'aimer qui on veut. C'est vrai que c'est sans ces droits humains, en fait, on serait peu de choses. Et c'est important de faire comprendre au public, aux personnes qui nous entourent, qu'il faut non seulement les chérir et les défendre. Et peut-être un deuxième point, c'est aussi le fait que quand on défend les droits humains, souvent on ne voit pas l'impact tout de suite de ce sur quoi on se mobilise. On cherche souvent à changer non seulement les pratiques, mais aussi la loi. Et ce sont des changements, une action de longue haleine. Et parfois il faut, il faut être patient et accepter des frustrations au quotidien en se disant que en fait l'action que l'on fait est cumulative avec celle d'autres personnes partout dans le monde pour un changement sur le moyen et le long terme.